Et puis à la maison, on recevait le populaire. Le populaire, c'était le journal de la SFIO. Alors, disons que j'étais pas mal au courant de la politique. Et, comme on dirait maintenant, j'étais branché, quoi. Et, à la fois par les discussions à la maison, par la lecture des journaux comme le Popu, et puis par le Canard Enchaîné, parce que le Canard Enchaîné, je crois que depuis que je sais lire, je l'ai tout le temps lu. Et le Front Populaire, qu'est-ce que ça te rappelle ? Ah, le Front Populaire, oui, ça me rappelle beaucoup de choses. Enfin, avant le Front Populaire, c'est en 35, certainement, je ne peux pas te garantir la date, je n'étais pas encore au collège à Thouars. On me parlait beaucoup de la guerre d'Éthiopie. Tu le sais, l'Éthiopie avait été envahie par l'Italie. L'Italie de Mussolini. Alors j'écoutais les communiqués à la radio et quand j'allais chez mon oncle, tonton Zahel, le père de Jean, je lui rapportais ce que j'avais entendu. Et ça, bien, comme eux n'avaient pas de poste radio, disons que c'est encore une occasion de discussion.